Là, Jésus grandit. Il apprend à lire et il aime prier Dieu. Souvent, il regarde Joseph travailler. L'été, il écoute le bruit du vent dans le blé et il se repose à l'ombre des oliviers. Avec ses amis, Jésus court dans les vignes et croque des fruits sucrés, des dattes, des figues et des amandes. Il est beau ce pays. Quand Jésus a 12 ans, il part en voyage avec ses parents. Ils se joignent à toute la foule qui va en pèlerinage à pied jusqu'au temple de Jérusalem. Sur le chemin, ils chantent pour Dieu. Au retour, Marie s'inquiète. Joseph, où est donc Jésus? Je ne le vois plus. Marie et Joseph interrogent les gens, mais personne ne l'a vu. Jésus a disparu. Ils retournent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, Marie et Joseph retrouvent Jésus dans le temple. Ils discutent avec les savants de la religion. Marie a des larmes plein les yeux. Tu nous as fait peur, Jésus. Depuis 3 jours, on te cherche partout. Pourquoi étiez-vous si inquiet? Répond Jésus. Vous pouviez me trouver ici, dans la maison de Dieu, mon père. Jean, le cousin de Jésus, a grandi lui aussi. Maintenant, il vit et prie dans le désert. Il parle comme un prophète. Arrêtez d'être méchant. Soyez des amis de Dieu, car lui, il vous aime et vous pardonne. Il est tout proche. Dans l'eau du fleuve, Jean baptise des foules entières. Un jour, Jésus vient voir Jean le Baptiste pour être baptisé dans l'eau du fleuve, lui aussi. Quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre et une voix dit « Tu es mon fils et je t'aime. Dans ton cœur, j'ai mis tout mon amour. » Peu après, Jésus voit des hommes qui le suivent. Il se retourne et leur demande « Pourquoi me suivez-vous? Cherchez-vous quelqu'un? » « Oui, toi! Où habites-tu? » Alors Jésus leur dit « Venez, suivez-moi et vous verrez. »